fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. » Prête l'oreille, écoute le Seigneur Jésus-Christ qui te dit « Viens à moi ». Prête l'oreille, écoute le Seigneur Jésus-Christ qui te dit « Viens à moi ». Ceux qui souffrent, qui sont peinés, qui sont fatigués, viennent à la source de vie. C'est Jésus-Christ qui vous invite. Tout simplement, oh, il en est temps de faire la paix avec Dieu. Oui, Dieu pardonnera tes péchés si tu crois, mais prête l'oreille, écoute le Seigneur Jésus-Christ qui te dit « Viens à moi ». Prête l'oreille, écoute le Seigneur Jésus-Christ qui te dit « Viens à moi ». La, la, la, la, la. Nous étions errants comme des brebis, la Bible le dit. Nous suivions notre propre voie, insouciants de Dieu. Mais Jésus-Christ a livré sa vie pour nous, ses ennemis. Quel amour, quelle grâce infinie. Oui, Dieu pardonnera tes péchés si tu crois. Mais prête l'oreille, écoute le Seigneur Jésus-Christ te dit « Viens à moi ». Prête l'oreille, écoute le Seigneur Jésus-Christ qui te dit « Viens à moi ». Tu pourras découvrir un ami merveilleux, Jésus. Tu pourras découvrir un ami merveilleux, Jésus. Tu pourras découvrir